que tout est clair. Tu reviens sans prévenir. Tu reviens et t'as même l'air de croire que je vais t'accueillir. T'accueillir. Maintenant que tout est clair, tu veux parler des gens d'ici. Ce qui s'est passé hier, depuis ton départ pour Paris. Pour Paris. Pour Paris. Maintenant que vas-tu faire de ta vie, de tes envies? Maintenant que vas-tu faire de ta vie.